J'espère que je m'enregistre. Oui. Je vais faire une sorte de séance de transition entre ce qu'a raconté Sébastien Smirou la dernière fois et puis peut-être essayer de faire comprendre pourquoi j'étais très intéressé parce que ce qu'a raconté Isabelle Robert de son travail sur la danse avec des gens extrêmement handicapés. Enfin bon. Alors. Je vais partir de comment moi j'ai ressenti ce qui s'est passé la dernière fois pendant que Sébastien donc travaillait de la manière dont il, pour ceux qui étaient là, je sais pas, tout le monde était là ou il y avait des gens qui n'étaient pas là? Vous étiez tous ici, vous n'étiez pas là. Bon, ben alors les autres reconnaîtront parce que ça m'a paru être, si vous voulez, ce qu'on peut faire de plus contraire à un usage extrêmement classique du rêve de l'analyste. Qui est l'auto-analyse du contre-transfert. Hein, on a rêvé un patient, alors voilà, on fait une sorte d'auto-analyse de quelque chose qu'on pourrait apprendre sur soi ou sur sa façon de faire de cette manière-là, et également de ces formes un peu particulières d'auto-analyse ou d'analyse à plusieurs, ou mutuelles, si vous voulez, qu'on fait dans les supervisions de groupe. Parce qu'au fond, il m'a semblé que ça n'avait pas du tout la qualité ni d'une supervision, ni d'une sorte d'auto-analyse publique, etc. C'était donc cette espèce de mise en circulation d'un fragment de cure, avec ce système de rêve et d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être le rêve d'une patiente auquel l'analyste a rêvé, etc. Cette mise en circulation a produit une sorte de turbulence, hein, je pense que vous l'avez tous perçu, une sorte de turbulence émotionnelle, on va causer comme Bion, comme Antonino Ferro et aussi, qui m'a beaucoup frappé parce qu'au fond, le contenu à proprement parler du rêve m'est revenu beaucoup plus tardivement, et ainsi que les choses qu'on a dit sur le rêve, que le malaise et le sentiment également, je dirais, de un peu miraculeux, comme ça, que ça prenait. C'est que malgré l'espèce d'étrangeté imprévisible de ce qui était proposé par Sébastien, au fond, on se laissait prendre à quelque chose qui était un jeu assez sérieux et que quelque chose tournait autour voilà, de la constitution de ce petit groupe comme un groupe de travail, malgré l'étrangeté hein, qui a extrêmement perçu, enfin en tout cas moi que j'ai très fortement perçu et qui m'a un peu laissé comme ça, agité, de ce qui était proposé. Et alors ce qui m'a paru faire un peu groupe de travail là-dedans, c'était deux choses. C'était d'abord, il me semble que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme moi, mais c'était vraiment un moment dans lequel on avait une sorte de dimension au fond d'accueil des associations des uns et des autres qui était relativement détendue, hein, qui est exactement hein, ce que Bion appelle la negative capability, hein, c'est-à-dire cette espèce de capacité d'accueil de tout comme de rien, ou dans les écritures un peu étranges de Bion, on voit bien comment, de manière assez dialectique, quelque chose de la turbulence prenait une forme, hein, et quelque chose se mettait à circuler entre chacun d'entre nous. Hein. La turbulence n'était pas un pur chaos, mais il y avait une sorte comme ça de circulation qui s'enchaînait. Et dans les écritures de Bion, c'est le fameux PS flèche D, la flèche allant dans les deux sens, hein, cette espèce d'alternance entre le schizo-paranoïde et le D de la dépression, d'une part. Et puis, d'autre part, je trouvais qu'on voyait bien combien une notion comme celle de fonction alpha chez Bion, qui est ce qui est requis, au fond, pour donner sens à ses émotions, on va dire, à prendre une sorte de définition qui est comme le minimum syndical de la fonction alpha, hein, c'est le donner sens à ses émotions, donner sens aux émotions, n'était pas quelque chose dont aucune des personnes qui étaient là pouvait s'approprier psychologiquement. C'était quelque chose qui était lié à l'effet de groupe et précisément au partage du malaise et au partage de la réconciliation autour de ce malaise où finalement les uns et les autres ont accepté de jouer à ce jeu très curieux de se représenter la rêveuse, de se représenter l'analyste, de se représenter la scène peinte, etc. et d'élever, je reviendrai sur ce terme un peu plus loin parce qu'Antonino Ferro en fait un usage qui était pas apparent peut-être, mais qui était extrêmement clair dans le travail de Sébastien, de personnage, hein, la notion de personnage narratif. C'est un travail, celui qu'a proposé Sébastien, qui est, alors pour moi c'était aussi nouveau, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais participé à ce genre d'activité. C'est un travail qui est extrêmement présent dans la pratique d'Antonino Ferro, en particulier dans les textes qu'il a publiés qui sont des contrôles. Vous verrez que alors ça n'a pas la dimension un peu invraisemblable des textes de Bion, Bion dit rien, où les choses émergent là comme ça, de façon un peu miraculeuse, c'est quand même un petit peu plus directif, c'est un petit peu plus comme ce que faisait Sébastien. Donc dans le recueil de contrôle qui a été traduit en français, et c'était aussi implicitement appuyé, pas simplement sur rêverie, mais il m'a semblé sur un des textes théoriques, qui est peut-être au fond celui que je préfère de lui, qui est de la psychanalyse comme littérature et comme théorie, je crois, hein, comme littérature et comme théorie, qui est traduit également en français, et où un certain nombre de sur lequel j'ai essayé de m'appuyer pour essayer de clarifier un peu pour moi quels ont été les moments saillants de ceci et le type d'expérience un peu originale que ça fait faire par rapport à l'expérience de la cure. Alors, le caractère à la fois extrêmement dense psychologiquement, si bien du malaise que de ce qui s'est passé quand on accepte de parler avec celui qui apporte le fragment de rêve, ou d'écouter ce que les autres y ont entendu, fait marcher une machine à rêver le rêve. Bon, machine à rêver le rêve a ceci de particulier dans l'exercice de groupe, qu'on voit bien qu'il est impossible d'en donner une description purement psychologique. La machine à rêver le rêve, chacun, par son intervention, par sa réceptivité ou sa non-réceptivité, par sa capacité ou non, comme Pedro à un moment le fait, comme ça, de dire, d'expliciter, le fait que ça, c'est vraiment complètement, c'est prendre à rebrousse-poil tout ce qu'on fait en analyse, ou toute la manière dont on nous l'a appris, ou dont on la pratique, mais le dire, pouvoir l'exprimer, chacun de ces éléments peut être comparé à une sorte de rouage, de machine qui dépsychologise ou désindividualise le lieu où se passe la manifestation du rêve. Et si vous avez un petit peu en mémoire ce que raconte Bion sur ces choses-là, l'activité de groupe est en même temps donc quelque chose qui révèle chez chacun combien il est lui-même un groupe, même quand il est seul. Un groupe qui est habité de toutes sortes de personnages que l'exercice de travail sur le fragment de rêve révèle. Par exemple, je pense que c'est le point d'entrée le plus immédiat parce que c'est celui qui se rattache le plus, si vous voulez, à la conception classique du contre-transfert. Un exercice comme celui-là, dans lequel on se demande ce que rêve ou ce que rêverait la personne dont l'analyste a rêvé en fonction de ce que c'est que le rêve de l'analyste, soulève immédiatement la question de savoir avec quel personnage chacun d'entre nous analyse. Avec quel autre personnage encore il est analysé. Et quel autre personnage encore figure dans son espace mental qu'il analyse, qu'il rêve d'analyser, qu'il rêve, et par qui il rêve peut-être aussi d'être analysé. Il y a là tout un ensemble de figures qui, comme des espèces de formes qui prennent une consistance extrêmement fugitive et qui passent sur un registre qui est difficile de qualifier d'associatif, qui est une sorte comme ça de stimulation imaginaire, de fabrication de personnages dans un registre de où différentes histoires possibles traversent les esprits des uns et des autres, qui anime ces figures de personnages. Et alors, c'est au moment où ça commence on commence à pouvoir jouer avec ces différents personnages, et dont on sent bien que les uns et les autres ne jouent pas avec ces personnages de la même manière, que le point de folie de la proposition de Sébastien émerge. Ce point de folie, c'est évidemment que il faut une capacité d'accueil, moi qui m'a beaucoup frappé, et d'ailleurs dont je vous sais gré, pour accepter un exercice qui serait, si on n'avait pas à l'horizon quelques références bioniennes, et vraiment bioniennes, pas kleiniennes, pas freudiennes, pas lacaniennes, vraiment bioniennes, qui serait quelque chose de délirant, qui serait vraiment, et même causant une certaine angoisse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se proposer une chose aussi folle que d'essayer de s'imaginer, et bien plus que de s'imaginer, dès qu'on s'imagine le rêve d'un autre, on s'expose à rêver dans l'imaginaire supposé d'autrui, et pas simplement d'imaginer le rêve de quelqu'un d'autre. Le risque, c'est qu'on va rêver dans l'imaginaire qu'on suppose d'un autre qu'on ne connaît pas, et dont on a simplement pour faire consister la présence un fragment de rêve dont on ne connaît pas du tout, on ne connaît ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après dans l'analyse, voilà, des choses de ce genre. Ce point de folie, qui peut peut-être se réduire à un anathème prononcé par Lacan, puisque c'est probablement ça ce qu'on a fait, quelque chose qui met le plus en tension des interdits dans la manipulation de l'imaginaire qui ont été très très fermement articulés chez Lacan, c'est la proposition que fait Sébastien d'un transfert de transfert. Il y a un transfert de la patiente sur lui, il y a un contre-transfert de Sébastien sur la patiente, et cet ensemble-là nous est transféré, avec tout un système de croyances, comme si, au fond, il allait pouvoir passer quelque chose dans cette articulation réciproque. Or, pratiquement tout l'édifice théorique de Lacan repose bien au contraire, semble-t-il, au moins en première analyse, sur la construction d'asymétries radicales qui rendent justement, s'il y a une chose qu'on ne peut pas transférer, c'est le transfert. Bon, c'est le transfert lui-même. Et donc on entre dans un espace qui produit un tourbillon, une turbulence, où, pour ce que les uns et les autres m'avaient dit, ou ce que je ne sais pas d'ailleurs des uns et des autres, mais enfin, bon, comme on est quand même dans une association fondée par des élèves de Lacan, et que la plupart d'entre nous ont fait au moins une tranche chez un analyste estampillé lacanien, pour qui c'était une référence, je pense que ça peut permettre de mesurer, par rapport au travail que chacun a pu faire, à quel point, en réalité, il impose des bords, On voit bien que ce qu'on a fait, ça avait trait à de la psychanalyse, mais c'est une psychanalyse un peu ébouriffante, qui prend à rebrousse-poil beaucoup de choses, où on se demande si on n'est pas complètement fou de faire un truc pareil, et qu'est-ce qui, au fond, peut nous assurer ou nous permettre au moins de poser un pied devant l'autre dans un espace aussi étrange. Parce qu'après tout, on pourrait très bien dire que des choses comme ça, on peut parfaitement en faire tout le temps, n'est-ce pas ? C'est un petit côté New Age californien, enfin, on va rêver à plusieurs, on va entrer dans des choses qui ont été... C'est pour ça que j'employais tout à l'heure, pendant que vous parliez, l'expression de rêve partagé. Il y a bien des usages non psychanalytiques du rêve, mais qui sont utilisés dans toutes sortes de thérapies humanistes de ce genre-là. Et on sait bien aussi que quelqu'un comme Bion a été réapproprié de manière extrêmement étrange et bizarre par toutes sortes de gens qui font peut-être pas du rêve partagé, mais qui n'en sont pas loin. Et donc, la question de savoir... C'est quoi le critère ici pour savoir si nous sommes ou pas dans l'espace fermement balisé de ce qu'on appelle l'identification projective, ou comme propose de traduire Florence Guignard, la projection identificatoire en intervertissant les choses, et une identification projective normale, saine, hein, qui n'est pas justement une sorte de dimension paranoïaque et persécutive ou délirante, hein, du rapport à autrui. La question est complètement ouverte. Elle est complètement ouverte en ceci, me semble-t-il, qui suscitait un peu, pour ce que j'ai comme ça, ce dont j'ai eu l'intuition chez les uns et les autres, et en tout cas pour moi, le fait que, comme vous avez vu, dans ce transfert de transfert, où ce qui était extrêmement important, c'était ce qui se passait au fur et à mesure qu'on le disait, le texte du rêve était vraiment pas du tout entier, comme dans sa littéralité associative. Aucune association ne nous a été donnée sur ce que peut être la voiture, la glissière, etc. On peut fabriquer des équivalents symboliques, mais vous n'aviez pas ce qu'on aurait, dans une perspective freudienne et lacanienne d'ailleurs, mis au premier plan, c'est-à-dire éventuellement, si, je sais pas moi, si cette dame s'appelle Glissière ou si elle s'appelle Peugeot, je sais pas moi, un truc dans ce genre, hein, c'est-à-dire le type d'association qui aurait pu renvoyer à quelque chose qui est hors texte et qui porte sur la littéralité, mais il n'était pas du tout entière. Et du coup, ça donnait, ça nous forçait à envisager dans le rêve de manière extrêmement pure, si on peut quand même rester dans de la psychanalyse en faisant des exercices comme ça, de travailler sur toute autre chose que ce que le rêve lui-même, dans sa littéralité de son texte, pouvait représenter. Alors Féraud est coutumier de ce geste. Dans un de ses textes que j'ai oublié, je n'ai pas retrouvé le titre, il s'est notamment livré à une étude du fameux rêve de l'homme au loup. Vous savez, où il voit apparaître sur un arbre les loups, avec des loups blancs avec des queues, on n'arrive pas à les compter exactement, et qui est un rêve qui d'ailleurs a donné lieu à des représentations graphiques, puisque Pankejeff, à la fin de sa vie, vivait en vendant des tableaux dans lesquels il représentait la scène du rêve, qu'il signait et qu'il vendait aux analystes qui voulaient bien le lui acheter. Et j'en ai vu d'ailleurs, il y en a un à Marsfield Garden, je crois, dans un des coins, signé de Pankejeff, qui je crois a été acheté par un analyste britannique. On voit donc une croûte, parce qu'il faut bien appeler ça une croûte, hein. On voit donc cette figure, donc, puisqu'il était devenu, il était tellement identifié à cela, qu'il vivait pensionné, hein, par la communauté analytique viennoise. Il ne payait plus ses analyses une fois qu'il a été ruiné complètement, et il vivait en se faisant de l'argent de poche, en vendant des tableaux où il y avait les sept loups. Et donc, bon, ce qui donne l'indication de ce que c'est qu'une analyse réussie, hein, ça ne fait aucun doute. Et le truc qui est très frappant, c'est que Féraud s'est dit, on n'a jamais pensé à une chose toute simple. Et si, au lieu d'aller travailler comme fait Freud, sur tout ce qui du processus primaire vient là prendre cette forme, pourquoi les sept chevreaux, le loup, enfin toutes les associations qu'il a cherchées, on faisait de l'expérience onirique comme elle est dite et revécue sur un mode, parce que pour Féraud et pour les Bioniens, et c'était d'ailleurs le cas chez les Kleiniens, parce que c'est le modèle, c'est le dessin d'enfant qui est fait au fur et à mesure pendant qu'on en parle, pendant la séance, hein, c'est pas un rêve qu'on a fait puis ensuite qu'on raconte, c'est quelque chose qui est dans un présent de constitution. Et si ceci nous donnait juste une idée du climat émotionnel au moment où l'homme au loup parle à Freud. Et si on s'abstenait complètement d'aller chercher l'associativité sur les loups, les sept chevreaux, tout ce qui se draine là-dedans, etc., pour ne retenir que ce qui aurait pu se dire de ce rêve du rapport ponctuel à Freud. C'est d'autant plus convaincant, bien que Féraud ne fasse pas la remarque, qu'il y a un certain nombre de rêves de l'homme au rat, qui, je vous le rappelle, est pratiquement le patient qui a chauffé le divan juste avant que Sergueï Pankejeff ne s'y allonge, hein, puisque c'est les les analyses sont quasiment, sont presque, se suivent pratiquement à très peu de semaines ou de mois d'intervalle. Dans le carnet, enfin le journal de l'analyse de Lemoura, il y a des rêves dont Freud ne doute pas une seule seconde que ce sont des rêves, où ce qui est important dans le rêve, c'est la situation transférentielle qu'exprime le rêve. Et d'ailleurs, il cherche relativement peu à explorer toute la machinerie particulière des associations du patient, parce que ce qui lui importe, c'est notamment le rêve des crottes dans les yeux d'Anna Freud, de sa fille. Ce qui lui importe, c'est de capter le type de tension transférentielle que ce rêve agit dans l'horreur même d'avoir à le raconter, dans le moment, etc. Et assez curieusement, donc c'est bien attesté chez Freud, cette façon de prendre le rêve, je dirais, dans la décharge émotionnelle qu'il occasionne dans le transfert, au moment où on se le rappelle, on le raconte, on surmonte une résistance pour le dire, etc. Alors que la plupart des usages canoniques du rêve chez Freud sont beaucoup plus souvent des manières d'illustrer telle ou telle proposition de la trame d'Oitung, notamment les rêves du Cadora, qui sont explicitement mis au service, c'est ça, et dont on se demande si c'est pas justement ça qui lui fait louper quelque chose de Dora, par exemple. Ça, c'est, me semble-t-il, à un moment... c'est très joli, c'est parfait, c'est comme un complément à la trame d'Oitung avec un rêve d'hystérie, sauf que il manque simplement un détail, c'est pourquoi elle a dit ça à ce moment-là, et dans tel et tel contexte, après telle et telle interprétation, et avant de faire telle et telle, de poser telle et telle agir. Et du coup, il n'est pas absurde de dire qu'il y a là une filiation authentiquement freudienne, qui consiste à s'intéresser fondamentalement à la décharge affective dans le transfert, dans le travail sur le rêve, et essayer d'en faire entendre quelque chose sans nécessairement avoir recours à la littéralité associative et à tout ce que ça va nous apprendre, entre guillemets, ou nous faire savoir de ce qui aurait été déjà là comme des déterminants névrotiques. Alors, je crois que ça, ce point-là, a une deuxième impact beaucoup plus théorique encore. C'est que ce qu'on a fait là avec le rêve, dans son éloignement de la littéralité sur le simple plan pratique de la clinique, ce qu'on a fait là, c'est peut-être aussi ce qui est le plus éloigné de la théorie étiologique du rêve, qui est dans la doctrine, dans le schéma du rêve rébus, qui est au cœur de la trame d'Oitung, c'est-à-dire de cette idée qu'au fond, il faudrait déchiffrer dans un rêve un rébus, prendre ce rébus, l'entendre d'une autre manière et donner une sorte de primat à la littéralité et à la signifiance sur les effets imaginaires de sens qui sont ici mis en avant. Ça ne veut pas du tout dire que chez Bion, il n'y a jamais de rêve rébus ou d'attention à cette plasticité du signifiant et de l'image. Il y a des exemples complètement sidérants. Je pense par exemple au cas du Why Stare. Je ne sais pas si vous connaissez ce cas de Bion. Hein, c'est on décrit un escalier, vous savez, c'est un escalier qui a une partie centrale et ensuite qui s'éloigne en deux, etc. Et c'est écrit un Y, donc un Y stair, qui veut dire escalier, mais qui peut aussi s'entendre Y, pourquoi stair, un regard ou quelque chose comme le fait de regarder, Why stair, un regard de pourquoi, en quelque sorte, qui est. Voilà. Et donc, vous verrez, je ne me rappelle plus dans quel texte de Bion il est question de ça. On voit très très bien que chez Bion, il y a parfaitement l'idée qu'on peut traiter, mais vraiment concrètement, le rêve comme un rébus. Ça ne consiste pas du tout à dire que le rêve n'est pas un rébus. C'est la fonction de cette de cette, entre guillemets, explication théorique qui change, c'est que au lieu de servir à étayer ou à vérifier hypothétiquement une théorie sur la genèse de la qualité onirique d'un certain nombre de contenus, sur le fait que quand ça s'articule, la pensée qui ne s'articulait pas s'articule à travers toutes sortes de déplacements comme ça, c'est plus du tout... C'est un moyen pour le clinicien d'avoir accès à un processus. Ça n'est plus une explication de la formation du rêve, l'action du refoulement porterait spécifiquement sur les signifiants, et où en écrasant ou en déplaçant, puisque Verdichtung ou Compression, la condensation relève de l'écrasement, et l'Einstellung, le déplacement métonymique de ce que Lacan va retraduire en métaphore et métonymie, hein, c'est plus du tout en disant qu'il y a une action qui est sur le signifiant que ça produise le rêve comme cette espèce de signification étrange matinée d'image. Non, c'est juste un moyen d'avoir accès à un processus onirique, au travail de ce processus onirique. Donc, est conservé d'une certaine manière le texte de Freud, etc., sauf qu'il est dépouillé de ce que Lacan, et en tout cas ses lecteurs, ses exégètes comme Safouan par exemple, qui a vraiment beaucoup insisté sur cette dimension du scribe, du scribe de l'inconscient, l'inconscient et son scribe, dans lequel c'est le travail sur le refoulement des signifiants qui produit la matière même onirique. Alors ça, on est, si je dirais, à l'opposé. Et étant à l'opposé, tout ce qui est impliqué là-dedans, c'est pas simplement la disjonction, l'appui qu'on prend spontanément sur signifiant et signifié. C'est ultimement l'appui qu'on prend aussi sur la disjonction entre représentation et affect, dont j'ai plus d'une fois souligné que c'était un peu la ligne rouge, hein, que si on franchit ceci, c'est-à-dire que si on s'engage dans une métapsychologie qui remet en question la disjonction de l'affect et de la représentation, ou du signifiant et du signifié, alors on sort de quelque chose qui serait freudien, et on peut tout à fait se demander si on a affaire à quelque chose qui serait encore même psychanalytique, c'est légitime. Alors, le point suivant sur lequel je voulais travailler, c'est, me semble-t-il, le moment où la tension, où le groupe que nous formions écoutant tout ça, quelque chose a commencé à devenir jouable, un jeu a commencé à passer, et qui est ce moment de constitution des personnages. C'est-à-dire le moment où on accepte de mentaliser la rêveuse, le psychanalyste, les enfants qui sont sur la banquette arrière, etc., les choses qui se passent, mais aussi d'autres personnages de l'histoire qui sont moins visibles et qu'on pourrait mieux caractériser en employant un vocabulaire un peu technique, qui ne sont pas les acteurs, mais les actants. Parce qu'au fond, la voiture... La voiture, le contenant de cette voiture a un sens, je pense, quand même symbolique, transparent. Enfin, la voiture, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Lacan qui le dit. La voiture, c'est le moi moderne. C'est quand vous êtes dans votre voiture, là, on le voit très très bien. C'est ce qui pousse les gens à avoir des conduites complètement autistiques à l'intérieur de leur bulle, comme ça, de voiture. La voiture est la glissière sur le bord de l'autoroute. Chacun, ce sont des actants et ils sont figurables, plus qu'imaginables, ils sont figurables. Vous pouvez leur donner, avec votre propre fond, une consistance. Cette voiture, évidemment, elle n'est pas, puisqu'il y a une personne à côté du conducteur, des enfants derrière, cette voiture, elle a aussi, c'est aussi une figure de lit, par exemple. C'est assez, je pense, assez transparent dans les associations que livraient, enfin pas les associations, mais parce qu'elles ne sont pas livrées, mais elles sont justement, comme dit Bion, dans une sorte de pénombre, où on peut partager l'expérience, parce qu'on partage cette pénombre. Hein, on est dans l'obscurité, il y a quelqu'un à côté, le conduire dans une voiture, ça a cette dimension de partager un lit, par exemple, et peut-être un divan, peut-être des choses de ce genre. Qui dit personnage, dit narration. Les petits fragments des rêveries de Féro sont extrêmement troublants à cet égard, si vous pensez à Freud, c'est que ce sont des petites narrations, des petites fictions, des historioles, en quelque sorte, qui ne sont pas sans queue ni tête, bien que c'est très difficile de toute façon d'écrire un texte sans queue ni tête, il y a toujours un début, une fin, et donc on peut appeler le début la tête, voilà, hein, c'est toujours comme ça, mais qui ont un caractère de fiction. Or, à quoi est-ce qu'on a eu affaire avec l'exercice que proposait Sébastien? Il me semble que vous avez un déplacement dans le rapport au rêve, un déplacement que moi j'ai ressenti comme vertigineux, comme étant complètement, pas incompatible, parce que c'est des dimensions auxquelles je pense, mais en tout cas, comme praticien, comme quelqu'un qui, d'abord qui a raconté ses rêves, et puis qui en écoute aussi, tout à fait s'appuyant sur d'autres dimensions freudiennes du rêve que celles dont j'ai l'habitude. La première, c'est la prise en compte de la figurabilité, la Darstellbarkeit, qui est une des dimensions du travail du rêve. C'est la Darstellbarkeit, il y a une proposition de traduction de Lacan qui est assez suggestive, où il parle des égards dus à la mise en scène. Il y a dans le rêve, pour que ça puisse s'organiser dans un espace psychique, tenir dans un temps, être orienté, avoir une gauche, une droite, un déplacement des mouvements, une profondeur, des mises en relief. Probablement aussi, d'ailleurs, ça porte sur le grain des images, puisque certaines couleurs, comme le fameux jaune des pissenlits dans la Traumdeutung, par exemple, certaines couleurs ont des intensités ou des présences qui doivent nécessairement supposer, si j'ose dire, des éclairages particuliers. Donc des lieux d'où on voit les choses. Il y a un égard pris à la mise en scène qui est la façon dont il traduit la Darstellbarkeit. Mais au sens très très fort, hein, vraiment, à partir de ce rêve-là, on est en train de rentrer comme s'il y avait non pas un rêve dans le rêve, mais un petit trou à l'intérieur de ce qui nous est raconté, comme la question de savoir ce que pense une autre personne de ce rêve. Quel est le rêve, non pas ce qu'elle pense, mais quel est le rêve qu'elle fait ou qu'elle pourrait faire si l'analyste fait ce rêve-là. Nécessairement la construction d'un espace corrélatif où la prise en compte de la figurabilité dans le récit de rêve de l'analyste va commander quelque chose de la figurabilité même dans notre propre esprit du rêve que va faire ou que ferait éventuellement la patiente. La deuxième chose qui est très paradoxale, c'est que c'est une narration. Or, la narration, dans l'orthodoxie freudienne, en tout cas dans ce qu'il y a dans les manuels, ça relève de la dernière couche du travail du rêve, l'élaboration secondaire, qui transforme ce qui restait encore incohérent en quelque chose de cohérent. Et qui se produit, dit Freud, par un lissage, hein, par un effacement, par une mise en continuité. Là où il y avait des trous, des trucs qu'on ne pouvait pas faire coller, le rêve produit une mise en récit. Ce qui est très important dans la notion d'élaboration secondaire, c'était de cette notion dont j'étais parti quand j'avais écrit ce bouquin sur la Traumdeutung il y a longtemps, c'est qu'elle est systématiquement représentée comme quelque chose d'accessoire. C'est-à-dire quelque chose qui vient en dernier, le dernier coup de peinture, en quelque sorte, le vernis, la finition du travail du rêve, ce qui va vous le rendre une bonne fois pour toutes méconnaissable. Et c'est ça qui est très troublant quand vous lisez des rêveries. C'est que des rêveries qui viennent en séance ou des rêveries qui viennent après la séance et dont Féro ne craint pas comme ça de livrer un certain nombre de données, qui ne sont pas non plus de la même qualité que ce que Bion appelle ses cogitations. qui ont un caractère plus abstrait, bien que certaines soient vraiment ancrées sur telle ou telle séance qui l'a marqué. C'est que, qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas juste en train de se raconter une histoire dans laquelle nous participons, en fait, au refoulement de ce qui est en jeu? Est-ce que nous ne sommes pas en train, nous-mêmes, lorsqu'on se livre à cet exercice de la rêverie, et surtout de cette rêverie au carré que proposait Sébastien, de renforcer le refoulement de ce qui serait plutôt apparu si on avait travaillé sur la littéralité du rêve, sur ses déplacements particuliers, sur ses trébuchements, sur l'impossibilité d'intervertir tel, je sais pas moi, telle lettre ou tel mot de façon à pouvoir faire dire à la littéralité du récit du rêve autre chose. Parce que la culture habituelle dans le milieu, on va dire freudo-lacanien, comme ça, bien que vous savez ce que je pense du terme, de l'interprétation du rêve, a complètement métabolisé, assimilé l'idée que le rêve, c'est essentiellement condensation et déplacement. Verdichtung et Entstellung, c'est-à-dire vraiment quelque chose où les deux opérateurs fondamentaux dans lequel on va retrouver du signifiant, de la représentation et de l'affect déplacés les uns par rapport aux autres, c'est ces deux-là. La prise en compte de la figurabilité et l'élaboration secondaire, c'est cosmétique, fondamentalement. Ça augmente l'impénétrabilité ou l'apparence de cohérence de quelque chose qui n'est pas cohérent, etc. Mais c'est cosmétique. Au contraire, avec l'accent mis sur la Darstellbarkeit, c'est véritablement le traitement visuel du rêve qui est impliqué. Comment est-ce que le rêve produit une vision dans le produit de l'image, hein, qui est une question absolument centrale pour Freud et qui a complètement disparu du reste, comme je vous l'avais dit au début de l'année, de l'histoire de la psychanalyse. Les gens interprètent le rêve et ne laissent complètement tomber ce fil qui était essentiel, c'est que pour Freud, sa théorie, elle n'explique pas seulement le sens du rêve, elle explique pourquoi rêve il y a plutôt que phobie, plutôt que symptôme, pourquoi il y a cet événement psychique. Et les grands critiques de la psychanalyse, comme Grünbaum, par exemple, ont beaucoup insisté sur cette dimension. Freud insiste sur le fait que la théorie n'explique pas simplement ce que veut dire le rêve, elle explique pourquoi rêve il y a, et pourquoi délire il y aurait, etc. Et c'est extrêmement important à nouveau, puisque Freud, à la fin, insiste bien sur la dimension, l'hallucination visuelle hystérique, qui est quelque chose qui est indépendant de la psychanalyse, hein, que les psychiatres de l'époque connaissaient, etc., est expliqué par l'appareil du chapitre 7. L'appareil du chapitre 7, relisez le début, ça sert à expliquer ça, la production de l'image, et pas, comme on le croit souvent, simplement une sorte de théorie synthétique de sa signification. C'est tout à fait différent. Donc là, vous avez, avec la théorie de la figurabilité, une prise en compte de cette vision mental. La deuxième chose que je voulais dire sur l'élaboration secondaire, c'est que je ne crois pas à l'interprétation habituelle de l'élaboration secondaire qui consiste à en faire une dimension cosmétique du travail du rêve. C'est que je crois que l'élaboration secondaire, en fait, elle n'est secondaire que parce que tout le rêve est une élaboration et que la destination du rêve, c'est de chercher à articuler des pensées de désir. Et que ce que vous avez dans l'élaboration secondaire, c'est la dernière couche inutile ou le simple vernis de ce travail d'élaboration en général, mais vous en avez l'accomplissement. C'est qu'une fois que tout est bien présent, le travail d'élaboration lui-même, qui consiste à produire une articulation des pensées de désir, se manifeste complètement et produit bien quelque chose qu'on appelle un rêve. C'est-à-dire que s'il y a un rêve, et pas deux, hein, c'est en fonction justement du découpage qui va venir, et qui était donc déjà présent dès le départ, de l'idée d'élaboration secondaire. S'il y a un rêve qui est racontable, et pas deux, ou deux morceaux de rêve, etc., c'est parce que cette unité lui est donnée par l'articulation même en récit. À aucun moment, on ne peut donc, d'une certaine manière, faire de cette articulation récit un simple lissage. Il est corrélatif avec la constitution du rêve comme une unité sémantique, comme un rêve à interpréter. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a pour autant un désir ou un seul dans, quand il y a un rêve à interpréter. Alors, Bion, dans la grille, coince le rêve sur la ligne C. Il indique le rêve sans exactement faire correspondre au rêve C3, C4, C5, etc. Enfin, ça s'arrête probablement à 6, dans la mesure où je ne crois pas que le rêve puisse être exactement de l'ordre de l'action. En tout cas, est-ce que c'est une notation? Ça, on ne sait pas. Il prend le rêve en sandwich, hein, dans la définition de la ligne C, entre les pensées du rêve et le mythe. Il y a ces pensées du rêve, rêve, mythe. Je crois que la notion de mythe chez Bion, étant sur cette même ligne C, renvoie précisément à l'articulation maximale du sens. C'est pour ça que tout rêve est édipien. Tout rêve est édipien parce qu'il est, chez Freud, c'est la façon dont Freud lit la ligne C, en quelque sorte. Il y a des pensées de désir qui ne peuvent pas s'articuler, qui sont rebelles à l'articulation, hein, des pensées qui sont rebelles à l'articulation. Il y a le rêve et il y a le mythe. Il n'y a pas nécessairement Édipe, hein, dans le cas Paramore, par exemple, j'essaie de montrer comment, en fait, vous pouvez avoir d'autres mythes, comme le mythe de Noé et de ses fils, hein, qui peut être un opérateur absolument essentiel de la constitution affective de quelqu'un, et il se trouve, dans le cas Paramore, comme ceux d'entre vous qui s'en souviennent, de quelque chose qui serait beaucoup plus centré sur la honte, hein, que sur la culpabilité, comme dans l'Édipe. Mais ça indique bien que cette dimension d'articulation, qui est sur la ligne C, je dirais un mot de la ligne D, fait du rêve quelque chose qui n'est, c'est ça qui est étrange, pas articulé directement sur le fantasme chez Bion. C'est pas articulé comme chez Lacan, sur l'idée qu'il y a quelque chose du symbolique qui s'est imaginarisé dans le rêve, et que, comme dit Lacan, l'interprétation, ça consiste à symboliser ce qui s'est imaginarisé, à re-symboliser ce qui s'est imaginarisé. Ici, on est vraiment au niveau d'une... donc, qui s'est imaginé, parce qu'il y a un objet, il y a un objet perdu quelque part. Ici, on n'est pas du tout dans cette orientation. Pourquoi est-ce que je fais cette remarque sur pensée, rêve et mythe? Bien qu'il n'ait pas du tout été question de mythe, etc., c'est parce qu'il semble quand même qu'il se passe quelque chose de l'ordre du choc, comme ça, et du réveil, à un moment. Hein, puisqu'il y a la voiture heurte la glissière, il y a un réveil, il y a une angoisse... ou quelque chose qui correspond aussi au coup de coude, comme ça, où on peut penser à deux personnes allongées dans le même lit, et où le corps de l'un, tout d'un coup, est sensible à l'autre. C'est que je crois qu'un exercice comme celui auquel on s'est livré avec Sébastien, c'est un exercice qui ne me semble pas pensable, pour ma part, en dehors, implicitement ou explicitement, des appuis que donne la référence à la grille. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la grille, chez Bion, c'est ce qui permettait, à ses yeux, de soutenir l'idée que la psychanalyse était carrément une science. C'est un moment, il y a un moment épistémologique chez Bion, dans lequel il pense qu'il y a, en particulier par rapport au grand conflit qui a déchiré sa période de formation entre freudien, anafreudien et kleinien, qu'il y a une possibilité de situer sur une grille, dont un des premiers axes, l'axe horizontal, ressemble comme deux gouttes d'eau à la première topique, hein, puisque effectivement c'est le contrôle de l'épreuve de réalité par l'action, hein, c'est le rapport au réel par l'action. The inquiry, c'est l'épreuve de réalité. On peut le comprendre comme l'épreuve de réalité, et puis ensuite action comme le moment, le moment où dans la boucle de l'appareil de la première topique, on va tester, hein, mettre à l'épreuve le réel, et puis la colonne, verticalement, vous avez l'ensemble des intégrations successives selon le stade, l'alternance du schizoparanoïde et du dépressif, d'une intégration de plus en plus complexe de l'objet. Et donc, en croisant les deux, on pouvait réinstaller, c'était la solution à la grande antinomie scientifique de la psychanalyse de son temps, la guérille produisait une sorte d'articulation réciproque de une conception anafreudienne extrêmement classique de l'appareil psychique et de la conception kleinienne. Alors, si cette chose est possible, et c'est ce qu'a tenu Bion un grand moment, ça veut dire que si la psychanalyse est capable d'intégrer ces concepts de cette manière-là, alors on peut avoir confiance dans les concepts de la psychanalyse au-delà de ce que permet, dans l'interaction clinique ponctuelle, ce que racontent les patients. Autrement dit, l'articulation des catégories et le travail d'articulation des catégories, même s'il n'y a pas de patient avec vous, le simple travail d'articulation des catégories est un travail qui est psychanalytique. C'est pourquoi Bion dit littéralement qu'on peut travailler la grille avec un patient imaginaire. Ça, je crois que c'est quand même une chose qui est très très importante. On n'a pas besoin d'avoir un patient ou une histoire de patient, etc., même ses propres rêves. On peut, par le solliciter le fonctionnement de son appareil psychique, se demander ce que serait de passer de ces trois à des trois, à quoi ressemblerait dans telle figure le passage d'un rêve à une préconception, ou d'une préconception à un concept, etc., ou des choses de ce genre. On peut le faire, en quelque sorte, non pas à vide, puisque c'est avec votre propre appareil psychique que vous le faites, mais sans nécessairement avoir du matériel clinique sur lequel vous appuyez. C'est quelque chose qui s'est généralisé chez les bioniens. Ferraud, par exemple, propose souvent dans ses séances de contrôle, il en parle dans les livres, aux gens avec qui il travaille, de dire, voyez, écoutez, vous me rapportez une séance d'enfant. Si cet enfant était un adulte, quelles seraient ses associations ? Et avec une séance d'adulte, réciproquement, voilà, vous m'avez rapporté, si c'était un enfant, quelles seraient ses associations et peut-être même quel dessin pourrait-il faire de cette manière-là ? Parce que si les catégories avec lesquelles nous travaillons sont vraiment des catégories scientifiques, alors la possibilité de les articuler les unes avec les autres doit nous permettre de tester ces catégories et de les transformer. Avec quelque chose que je fais souvent en contrôle, par exemple, c'est de demander, voilà, votre patient, très bien, comme vous le voyez, comme vous le décrivez, disons, c'est un névrosé, c'est un obsessionnel. S'il était psychotique, qu'est-ce qu'il aurait dit là ? Si c'est obsessionnel, si en fait, oui, c'est pas du tout un obsessionnel, c'est un paranoïaque, voilà, qui est bien étayé sur une obsession, mais qu'est-ce qu'il aurait dit là ? Et qu'est-ce qui se serait passé dans le transfert et qu'est-ce que vous auriez pu... Et réciproquement. Bon. Je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans Bion. C'est que si ça ne sert à rien d'utiliser des catégories comme névrose, perversion, choses comme ça, si nous ne pouvons pas nous assurer de leur corrélation et de leur convertibilité dans des contextes où nous sommes conceptuellement capables d'élaborer. Au sens où, non seulement conceptuellement, mais même en allant chercher en nous les ressources nécessaires à ce que ce à quoi nous serions sensibles nous devienne visible. C'est-à-dire cette espèce que nos anticipations puissent être cultivées d'une certaine manière. Et c'est tout à fait autre chose que l'exercice qui se contente simplement d'affiner les critères diagnostiques. Il n'est pas psychotique parce qu'il y a ceci, ou il n'est pas névrosé parce qu'il a cela. C'est quelque chose qui travaille sur un patient qui est, non pas un patient imaginaire, mais qui est le patient que nous accueillons avec celui avec qui on travaille. Et qui est l'espace de possible, et d'ailleurs l'espace de danger, bien souvent, c'est extrêmement salutaire de faire ce genre de choses, de danger et de possibilité qui nous est ainsi révélé dans notre propre fonctionnement, dans notre appariement transférentiel avec le patient. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que ce que je vous dis sur la possibilité de se demander, voilà, ce patient, clairement, c'est un obsessionnel, et s'il était paranoïaque, je ne valide pas pour autant, dans une sorte de ciel des idées, une sorte de tripartition, vous êtes soit pervers, soit psychotique, soit névrosé. Ce qui m'importe, c'est ce qui fait dans le contrôle ou la supervision l'intérêt de ce genre de choses, c'est que quelqu'un puisse s'approprier les raisons pour lesquelles il va mettre les choses dans cet ordre-là, dans cette perspective-là. De façon à ce que ça, justement, il n'ait pas l'impression d'être simplement quelqu'un qui a manqué un critère diagnostique, comme un psychiatre ou comme un médecin. Mais quelqu'un pour qui ces catégories, névrose, perversion, psychose, sont des catégories de sa sensibilité, de son appareil psychique et de sa capacité de son appareil psychique à digérer un certain type d'information. Et bien souvent, d'ailleurs, ce qui est extrêmement frappant, c'est que quand on se livre à ce type d'exercice régulièrement sur des patients comme ça, alors on peut le faire soit avec des gens qui... Des débutants, hein, des gens qui ont en plus de ça, ça les éclaire. Mais on peut faire ça aussi avec des gens extrêmement expérimentés. Je le fais très souvent moi-même pour moi-même. Ça permet de rencontrer des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien qu'il y a, comme nous savons tous de notre expérience, il y a des gens, on se fourre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à l'omoplate. Et au bout de 10 ans, on n'a toujours pas compris que la personne qui est en face de soi est complètement psychotique. Et que il y a là des points, c'est-à-dire que les lieux qui permettent à l'appareil psychique d'entendre certaines choses sont aussi ce qui lui obstrue complètement l'accès à autre chose. Alors c'est extrêmement sensible, par exemple, avec des gens qui sont pervers, puisque par définition, le clivage pervers, bien que, pas exagéré non plus, le pervers est infiniment plus rare qu'on imagine, mais dans le clivage pervers, il y a cette dimension-là. On peut parfaitement dire, ah oui, bon, c'est un, voilà, il est obsessionnel, et puis il a des aménagements pervers, comme on dit, on se raconte toute une histoire, parce que si on ne sait pas faire jouer ces catégories, alors c'est notre propre sensibilité, c'est pas ce qu'on ne sait pas demander. Et si cet homme était pervers, alors qu'est-ce qu'il aurait, ça ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il dirait dans telle et telle situation ? Puis on se dit, mais c'est justement ce qu'il est en train de faire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. On s'aperçoit de beaucoup de choses, et en particulier de ce qui est notre seule arme dans le fauteuil, qui est la croyance dans la croyance dans l'inconscient. C'est la seule chose qu'on a. C'est une confiance indéfectible dans le fait que c'est de l'inconscient qui opère. Alors, je voudrais avancer en revenant à ce qui est troublant dans l'expérience que propose le travail de groupe qu'a proposé Sébastien. Ce que je disais, c'est ce qui fait que ça peut avoir un caractère délirant. On se demande ce qu'on a fait, ça prend à rebrousse-poil un certain nombre de concepts, on pourrait très très bien argumenter en disant voilà ce qu'on a fait, ça ressemble à de la psychanalyse, mais c'est pas de la psychanalyse, et c'est même tout le contraire, à cause de tel et tel usage de l'élaboration secondaire, de l'insistance sur des choses qui sont pas déterminantes dans la production du rêve, etc. Parce que c'est un problème sur lequel je m'étendrai l'année prochaine, mais qui est un problème sur lequel bute Ferro. On a une narration, on a une unité du rêve. Même si vous m'accordez, avec beaucoup de générosité, ce que je vous raconte sur l'élaboration secondaire, que non, c'est pas cosmétique, c'est vraiment central, c'est constitutif, c'est ce qui fait que le rêve articule quelque chose originairement, Ferro insiste beaucoup pour dire que la différence entre la narration du roman, l'histoire ou du conte, et la narration psychanalytique, c'est que la narration du roman ou du conte est une narration contrainte. Et ce à quoi il pense, parce qu'il a beaucoup lu Écho, parce qu'il a beaucoup lu Grémas, il fait beaucoup, souvent référence à Umberto Eco, cette narration contrainte, c'est par exemple celle que vous avez dans le conte chez Prop. Alors, est-ce que je parle chinois, ou est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la théorie du conte chez Prop ? Personne. Bon. Alors, Prop, c'est un formaliste russe qui a recensé, alors je vous la fais courte, hein, mais vous pourrez lire ça sur Wikipédia. Prop, c'est un formaliste russe qui a accumulé en quantité considérable tout un ensemble de contes pris du folklore russe et qui a tenté de dégager les invariants de ce conte. En dégageant d'abord des épisodes, puis des enchaînements d'épisodes, et avec une sorte de montée en abstraction pour décrire le conte des contes, en quelque sorte. Et alors, effectivement, vous avez une quête, hein, un héros qui cherche un objet, par exemple, et alors vous avez toutes sortes d'adjuvants, d'aides, etc. Alors, ça peut être le loup, ça peut être le prince, ça peut être le pop, ça peut être, etc. Alors, on enlève tout le côté concret de ces choses-là, et on s'aperçoit qu'en réalité, on arrive à décrire le folklore russe du conte avec un certain nombre d'invariants structuraux qui se retrouvent de manière absolument permanente et qui assurent la consistance narrative du conte et qui fait que les enfants les écoutent, qu'on peut en inventer, qu'on peut improviser, qu'on peut rajouter des boucles tout en retombant sur ses pieds parce que vous avez cette forme invariante, abstraite, hyper abstraite, qui n'est consciente chez aucun conteur du conte russe. Prop, c'est le fondateur, les formalistes russes sont les ancêtres du structuralisme, hein, puisque ensuite vous avez toutes sortes de gens qui ont appliqué des analyses de ce genre. Alors Grémas est celui qui l'a, qui n'est pas un héritier direct de Prop, mais un grand lecteur de Prop, Grémas l'a appliqué de manière à pouvoir comme ça décrire les structures profondes, sémantico-logiques, de la constitution d'un certain nombre de choses qui sont des narrations extrêmement complexes, avec des combinatoires structurales, des permutations possibles, etc., etc. Et qui sont bien sûr des formes inapparentes dans aucun conteur, là encore, on a conscience de suivre ce type de canevas. Donc vous retrouvez, d'une manière, je dirais, extrêmement déterminée, le schéma de la lettre volée, hein, au début des écrits, hein, dans lequel vous avez ces espèces de passages d'un point à un autre qui sont contraints, qui obéissent à des contraintes géométriques et formelles, etc. Bon. Sauf que, bon, on va pas rentrer dans le détail, justement, la différence, c'est que chez Prop, c'est déterminé, tandis que, justement, dans l'exemple de pile ou face et des circuits, etc., c'est juste l'expression de l'indétermination. Alors, Le problème que se pose Ferro, c'est qu'il soutient une thèse qui est à mon avis totalement indéfendable à cause précisément de son caractère antistructural, c'est que la narration psychanalytique, elle, ne serait pas contrainte. Pourquoi est-ce qu'il soutient cette thèse-là ? Il soutient cette thèse-là parce que, et c'est effectivement le sentiment d'arbitraire et donc de folie, qu'on aurait pu avoir, et qu'on a certainement tous eu à un moment ou à un autre, en se disant, mais on s'arrête 5 minutes. On a beaucoup associé, on a raconté des tas de trucs, c'est ça, parce qu'on nous a proposé de jouer à ce truc-là, mais c'est complètement fou, là. On est en train de raconter le rêve de quelqu'un dont l'analyste a rêvé. Et donc, à un moment, si on redescend sur Terre, on se dit que là, qu'on a complètement on a franchi toutes les lignes. Et il y a une sorte d'inquiétude qu'on peut se ressentir légitimement, de l'exaltation à, au fond, délirer. Bon. Il peut être extrêmement précieux de délirer avec certains délirants, hein. C'est d'être assez fou pour être fou avec le patient. Jusqu'à un certain point, mais là, en même temps, il y a une prétention à ce que l'exercice soit un exercice intrinsèquement psychanalytique qui nous apprenne quelque chose sur la psychanalyse. On n'est pas en train de faire un truc pour aider Sébastien avec sa patiente, là, hein. On est en train de faire quelque chose de différent, de disposer nos appareils psychiques d'une autre manière. Mais est-ce qu'on les dispose d'une autre manière ou est-ce qu'on fait totalement n'importe quoi? Est-ce qu'on lit dans le marc de café ou des choses de ce genre-là? Alors pourquoi est-ce que Féraud... Je fais une hypothèse parce que je ne connais pas Féraud, je n'ai pas posé la question. Bon, je m'appuie sur différentes choses qu'il a écrites. Pourquoi Féraud semble penser que ça n'est pas contraint? C'est parce qu'il a une certaine interprétation de la non-saturation des événements inconscients. La ligne C dans la grille, là, pensée du rêve, rêve, mythe, la ligne C est suivie d'une ligne, la ligne D, qui est la ligne de ce que Bion appelle la préconception en deux mots. La préconception, ce sont ces représentations psychiques qui sont orientées vers un objet qui peut les saturer. Le sein, la bouche, chose de ce genre, par exemple. C'est la ligne D, ce sont ces moments où ce qui n'était que ce qui n'avait que statut de rêve, par exemple, peut devenir, pour prendre le statut de fantasme au sens kleinien. C'est-à-dire de cette orientation intentionnelle ou une stimulation particulière d'un objet interne, vient s'orienter et aller chercher, pour ça j'emploie le terme d'intentionnalité, aller chercher, tendre vers quelque chose qui va être désirable et qui, si il est obtenu, satisfait en un double sens, satisfait au sens logique, comme ça satisfait un argument, et satisfait produit du plaisir, hein, produit un comblement de la part dans l'organisme de l'individu désirant. Et ça, c'est très important parce que cette préconception prend un certain nombre des fonctions du fantasme PH, hein, chez Mélanie Klein, du fantasme PH, et les place, oui, d'une manière orthogonale au mythe. C'est très important parce que bien souvent, et c'est même une question clinique très, très importante, beaucoup, par exemple, des patients psychotiques ont quelque chose où les mythes, des grands mythes, jouent chez eux le rôle de ce qui, chez d'autres, est le fantasme. La préférence pour le mythe de certains grands délires, par exemple, est une sorte d'aveu, dans la manière qui est assez banale, hein, de comprendre les choses, de la carence de la fonction du fantasme. C'est-à-dire que la façon dont ils peuvent s'articuler aux objets, c'est en situant ces objets à l'intérieur d'une histoire mythique. C'est absolument pas parce que ces objets, ce sont des objets dont ils auraient été séparés et qu'ils recouvrent une fois qu'ils sont entrés dans le jeu, qu'ils sont conservés par l'autre. Bon. Ici, dans la ligne D, la bouche, le sein, qui sont les deux grands objets kleiniens, mais je crois que rien ne nous interdirait de penser au regard ou à la voix. Hein, même si ça n'a jamais été fait, la pulsion invocante, comme dit Lacan, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas justement aussi voir un peu si elle n'est pas situable sur cette ligne D d'une autre manière? Et puis, après la ligne D, vous avez les concepts qui sont des concepts saturés, complètement saturé, dans lequel l'objet a trouvé sa correspondance complète avec l'objet et n'aspire plus à cet objet. Autrement dit, plus on avance, enfin, plus on descend dans les lignes de la grille, et plus on avance vers des phénomènes de saturation. Ce que veut donc dire, me semble-t-il, Féraud, lorsque il pense que la narration du rêve est une narration qui n'est pas contrainte, c'est qu'il veut préserver la désaturation propre au rêve. Le rêve n'est justement pas quelque chose qui va pouvoir se refermer sur un objet particulier. Et maintenir cette désaturation est une des exigences centrales de l'interprétation dans le bionisme comme il le comprend. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais traiter le rêve comme un fantasme. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais interpréter un rêve comme quelque chose qui est en attente de la retrouvaille d'un objet, par exemple. Bon, qui est une formation psychique qui viendrait fonctionner comme en attente de la retrouvaille d'un objet. Il faut au contraire laisser à son niveau s'étaler et se développer la dimension onirique sans la refermer sur quoi que ce soit de ce genre. Alors, évidemment, la conception, je pense que cette conception de la saturation, la désaturation est fausse, hein, c'est pas du tout celle qu'il y a dans Bion, parce que Bion travaille en fait, mais je ne sais pas si ça a été remarqué, parce que c'est manifestement pas ce que lisent en général les lecteurs de Bion, Bion a utilisé en fait même les graphismes, les graphies, de la Begriffsschrift de Frege, hein, de l'écrit sur le concept de Frege, où ce qu'on appelle saturation et non-saturation, c'est le fait qu'il y a une place d'argument dans une fonction, que Frege écrit avec la lettre grecque xi, suivie d'une parenthèse. Et que il y a dans cette parenthèse, il y a un vide, et que cette vide est la place d'argument. Et ce qu'on appelle un argument saturé, c'est lorsque vous avez, par exemple, ce que vous avez comme f parenthèse de x, hein, égale 0, par exemple, pour une fonction de ce genre. Et que la saturation consiste à mettre un argument dans la fonction. Ça permet de séparer la fonction de l'argument de la fonction, et de comprendre la différence entre une fonction pure, non saturée, et une fonction qui a un argument. Et Lacan, lui, sait effectivement a utilisé la notion de saturation précisément en ce sens-là. Et il me semble que dans la grille, ça ne fait aucun doute que la manière dont est comprise la question de la non-saturation, c'est de la constitution de Xi, puis à l'étage D, la constitution de Xi, parenthèse, sans rien, puis à l'étage E, le concept à proprement parler, c'est-à-dire Xi, parenthèse, et une variable qui est véritablement inscrite à l'intérieur des parenthèses. C'est les trois choses. Et que la façon dont il pense les choses, ensuite vous avez la ligne du système scientifique, puis du système déductif, FGH, etc., hein, c'est véritablement au sens d'un enrichissement qui va du rêve jusqu'au système scientifique. Sauf que la patte même dont est faite la lettre qui désigne, enfin le xi de Freud, se tisse au niveau justement de quelque chose qui serait le rêve. Bon. Ce qui est quand même assez singulier. Je crois également que chez Bion, dans l'idée de non-saturation, de désaturation, ce qui est extrêmement important, c'est la tension que ça veut capter, la notion de non-saturation d'une interprétation. Pourquoi est-ce qu'on évite les interprétations saturées? Pourquoi on donne toujours comme conseil aux analystes d'être équivoque, que leur interprétation puisse être prise de différentes manières? Parce que Bion, comme Lacan, insiste toujours sur le fait que ce qui est essentiel dans l'effet de l'interprétation, c'est qu'elle donne accès au non-réalisé, à ce qui, justement, s'ouvre au lieu de se fermer. Comme si, en fait, le grand problème, c'était non pas de retrouver et de coller à ce qu'on a retrouvé, mais d'advenir. Hein, vraiment au sens où Lacan dit, traduit le « wo es war soll ich werden » par « là où ça était, je dois advenir ». Il y a une question de futurition, il y a un rapport au futur, comme ça, comme dans l'idée de « Memory of the Future » de Bion, dans lequel le problème, c'est de réussir véritablement à penser la futurition de l'avènement. Le sujet, c'est ce qui est après, et non pas ce qui est avant. Le sujet, c'est quelque chose, le jeu, on ne va pas le découvrir, on va l'ouvrir devant soi. C'est le fait de l'ouvrir devant soi qui l'amène et qui lui donne son caractère extrêmement particulier, de n'être rien au sens de l'étant. C'est quelque chose qui est essentiellement devant, en avant, dans cette dimension-là. La difficulté de l'interprétation de Ferro, c'est que si vous ne vous appuyez pas sur des choses de ce genre, qui sont évidemment extravagantes, c'est de la métaphysique, sont des constructions. Bien évidemment, il y a des références implicites partout, là, non seulement à Frege, mais chez Lacan, à Heidegger. Vous avez l'impression qu'on part complètement en vrille. Simplement, le problème, c'est que du coup, la désaturation va ressembler, comme deux gouttes d'eau, à l'indétermination, voire à l'arbitraire. Si vous n'avez pas cet appui-là, d'aller vous donner les moyens de penser que la désaturation tient non pas de l'absence de contraintes, mais au contraire d'une orientation sur quelque chose qui va se déterminer, mais se déterminer de manière ouverte, alors on a un peu l'impression qu'on nage dans le grand n'importe quoi. Alors, je continue sur ce fil, il n'en reste pas moins, c'est extrêmement difficile à rendre compatible avec la manière même. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal dont j'ai été analysé, dont je me suis analysé et dont j'analyse les gens, parce qu'au fond, l'exercice qui nous a été proposé ne tient à mes yeux, et c'est probablement d'ailleurs une limite que vous devez entendre, que si on l'environne de tout un ensemble de choses que Sébastien n'a pas mis sur la table, bien qu'ils connaissent fort bien Bion, Ferro et toutes sortes de choses dans le même genre, et Esterbic, tout ça. Il l'a pas mis sur la table, mais il me semble que ça n'est peut-être pas purement défensif de ma part que d'avoir à mettre sur la table cet environnement-là. Parce que je crois que s'il y a quelque chose qui n'était pas fou ou arbitraire dans ce que nous avons fait, alors on est bien obligé de déplier cet implicite-là et de dire, dans ce cas-là, voilà à quoi on est commis en même temps et dont on ne se rendait pas compte. Et ce à quoi on est commis en même temps, est-ce que ça tient debout ou pas? Est-ce que ça encadre suffisamment ce que nous avons fait? Une des choses qui me frappe en particulier, ce serait la possibilité de faire converger cette idée de non-saturation chez Bion avec la façon dont Lacan comprend le rêve. Mettez que Lacan reprenne l'idée freudienne quand même un peu ébouriffante selon laquelle il existe des pensées auxquelles personne n'avait jamais pensé. C'est des pensées qui sont rebelles à leur propre articulation. Qu'est-ce que c'est que c'est? Les pensées de désir sont rebelles à leur propre articulation. Si nous rêvons, hein, et si nous rêvons de cette manière complètement invraisemblable avec le travail du rêve, etc., c'est pas parce qu'il y a des pensées d'un côté, et puis c'est des mauvaises pensées, ou des pensées de ceci ou cela, et puis qu'ensuite, il y a une grosse machine qui déforme tout pour que la conscience s'en aperçoive pas. C'est parce qu'il est de l'essence du désir, c'est comme ça que Lacan comprend la chose, il est de l'essence de la pensée de désir de ne pas s'articuler, d'être rebelle à son articulation. Et que ce que nous appelons le travail du rêve, c'est tout simplement l'ensemble des déplacements forcés, des déplacements signifiants forcés par le fait que le désir tient dans une formule paradoxale, c'est que ça n'est pas ça. On essaie de me coincer sur un objet, ça n'est pas ça. Ça n'est jamais ça. Et qu'est-ce que attrape la notion d'Einstellung, de déplacement signifiant? C'est que le déplacement de la chaîne signifiante vient justement enregistrer, inscrire littéralement le fait que ça n'est pas ça. Et que le désir est quelque chose qui frappe de désêtre. Hein, c'est-à-dire que tout ce sur quoi on pourrait rabattre le désir détruit le désir. Un désir rabattu, c'est un désir anéanti. Et que le fond de l'idée du déplacement et le primat de l'Einstellung, etc., c'est qu'il y a toujours cette espèce d'ouverture étrange que le seul usage de l'être qu'on peut avoir en psychanalyse, c'est dans la formule « ça n'est pas ça ». Au sens où, par mille et une manières, par exemple les fameuses vérités de la palisse, quand Lacan en contrôle entendait quelqu'un qui, au terme d'une élaboration extraordinaire, lui livrait enfin ce qu'était le désir mystérieusement caché de tel ou tel de ses patients, il lui répondait couramment « Monsieur de la palisse n'aurait pas dit mieux ». Qui est une façon, justement, de dire « vous n'avez rien dit ». Vous n'avez rien dit, c'est-à-dire que toute cette construction-là que vous venez de faire, elle est totalement immersive. Alors, évidemment, les gens se sont dit « mais c'est parce que Lacan a tout de suite compris ». Non, c'est pas que Lacan avait tout de suite compris, c'est que tout ce qui vient dire « ce qui désirait, c'était ça », on ne peut lui répondre que ça n'est pas ça. On ne peut que se placer du côté de la production signifiante qui fait que, eh ben non, c'est pas ça. Bon. Je me suis toujours demandé si c'était pas lié au fait que Lacan avait appris à s'analyser avec des gens qui avaient appris à analyser et travailler avec beaucoup de gens qui avaient survécu au génocide ou qui avaient été résistants, etc. Hein, c'est-à-dire des gens chez qui la dimension traumatique était quand même tellement impressionnante qu'il valait mieux quand même. Et que c'était ça ou crever. Hein, parce qu'on peut très très bien, surtout les vrais grands traumatismes, hein, on peut très très bien rabattre un désir sur un traumatisme. Et même, c'est d'ailleurs probablement ce qui n'allait pas chez les hystériques de soigner, etc. C'est qu'une fois qu'on avait mis au jour le traumatisme, on était en grand danger que la personne ne s'identifie à son traumatisme. Mon oncle a abusé de moi, voilà. C'est qu'effectivement, la cause du désir pouvait être nommée, non pas comme la cause qui repousse toujours plus loin dans la chaîne signifiante, mais celle qui ramène et qui écrabouille non seulement le moi, mais même le sujet sur le phénomène. D'où cet usage essentiel du « ça n'est pas ça ». Or là, il y a une manière de rapprocher cela, si vous voulez, dans la conception de l'interprétation, de la désaturation. C'est beaucoup plus profond que le conseil technique qui consiste à être équivoque dans ses interprétations. C'est quelque chose qui guide l'accueil de ce que dit quelqu'un. Alors bien sûr, chez Lacan, et c'est là la différence très claire avec ce que fait Ferro, il y a une organisation signifiante au second degré, c'est-à-dire que cette chaîne de signifiants qui se déplace et qui permet justement de poser le « ça n'est pas ça », à une organisation elle-même signifiante. Il y a un signifiant du manque dans l'autre, etc. Il y a une loi, c'est-à-dire il y a un moyen de traiter l'impuissance infantile et l'impuissance infantile qui est un réel, par la castration, devient un moins-fille qui s'inscrit dans une loi. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais ce qui est quand même là l'opération essentielle, c'est que l'inscription dans le symbolique est une inscription qui est au second degré restructure ce qui, au premier degré, dans l'interprétation et dans l'association, était l'articulation de quelque chose qui est rebelle à l'articulation. Au second degré, il y a un système, il y a un système symbolique. Ce que vous avez, et qui donne ce sentiment d'arbitraire, et que moi, auquel je suis sensible non seulement chez Ferro, mais chez beaucoup de gens, dans ce milieu-là, c'est que des bioniens, c'est qu'évidemment, comme ça n'est jamais repris explicitement au second degré, on a l'impression qu'on est dans la divination à l'état pur, dans le quelque chose qui est de toute façon tellement ébouriffant, comme les interprétations kleiniennes, n'est-ce pas, c'est, vous la prenez en pleine poire, de toute façon vous ne pouvez pas savoir si elle est vraie ou fausse ou rien, ça vous retourne les boyaux, donc on ne sait plus au fond ni quoi ni qu'est-ce, hein. Ça a de l'effet thérapeutique si on veut, ou pas, quelquefois aussi, il le raconte. On a quand même beaucoup plus de mal à apprécier quel est le second niveau qui permettrait de réintégrer ces choses-là. Et je crois que ça, c'est un problème constant. Si vous lisez la littérature de l'IPA, des bons auteurs de l'IPA aujourd'hui, ou bien, moi, comme il m'arrive comme ça, de gens qui me racontent un peu ce qu'ils voient dans les services psychiatriques et comment ils jugent de la, évidemment, du rapport de ce qu'ils font sur mon divan et ce qu'ils entendent dans les services où ils travaillent, un des trucs extrêmement frappants quand même, c'est qu'on a l'impression que le transfert et le contre-transfert ont bouffé absolument tout ce qui relève de l'association. C'est-à-dire que la seule chose qui semble intéresser les cliniciens de l'IPA dont j'entends parler concrètement du travail, c'est le transfert et le contre-transfert. Il n'y a strictement plus aucune espèce de travail sur les contraintes liées à l'association elle-même. On écoute les gens et on s'intéresse fondamentalement à ce qui est de l'ordre du transfert et du contre-transfert sans... considérer qu'il y a dans ce tissage intime du propos quelque chose de rebelle à l'articulation qui essaie de s'articuler quand même et qui a une consistance propre. Parce que le cadre transféro-contre-transférentiel, je ne sais pas comment l'appeler, est la seule chose auquel les gens deviennent intimement sensibles. Et donc, quand on en tient compte, c'est uniquement parce que ça sert de support à l'expérience émotionnelle, et ça a perdu totalement la qualité d'enveloppe formelle que Lacan prêtait à ce dispositif dans son travail. Alors, je continue encore sur le côté fou, auquel on était quand même bien exposé par l'exercice que proposait Sébastien, parce que c'est aussi un point sur lequel je reviendrai l'année prochaine en vous parlant de Bion. C'est, j'ai parlé du devinement, de la divination. Devinement, c'est très important comme terme, parce que devinement, c'est la façon dont Freud parle du transfert. Le transfert se devine, dit-il. C'est dans l'homme aura, je crois, qu'il formule pour la première fois cette idée. Le transfert se devine. Il ne s'interprète pas, il ne se déchiffre pas, il se devine. Bon. Et effectivement, si vous remplacez devinement par intuition, eh bien vous avez cette chose tout à fait frappante, c'est que l'intuition, c'est ce qui met aussi bien au plus près de la vérité pure. On a l'intuition, et quand l'intuition, une bonne intuition, c'est une intuition vraie, c'est une vraie intuition, on touche le truc, et puis l'intuition, c'est ce qui est la racine du délire. Alors, je reviendrai sur ce point-là la prochaine fois, mais que le phénomène délirant élémentaire, défendrai-je l'année prochaine, c'est l'intuition délirante. C'est à partir de l'intuition que se distinguent l'imagination délirante et l'interprétation délirante. Avant d'avoir... Il y a des gens, ils savent, là, comme ça, absolument, c'est inondant, sans aucune espèce d'ambiguïté possible, qu'un tel a ceci, ou que telle chose est cela. Et c'est vraiment au sens d'un être tellement compact qu'il est absolument indépassable. Et c'est souvent des expériences extrêmement discrètes que l'on exhume qu'à travers de longs travaux. C'est très très sensible dans les paranoïas, comme ça, que les paranoïas commencent par des phénomènes intuitifs qui précèdent l'imagination et qui précèdent l'interprétation. Et effectivement, mettez que, après l'échange qu'on a eu, Sébastien reçoit la fameuse patiente et que la fameuse patiente se mette à raconter quelque chose, un rêve, qui ne soit pas absolument dépourvu de rapport avec ce que nous avons élaboré tous ensemble. Vous imaginez l'angoisse dans laquelle ça pourrait plonger l'analyste. Un des points, je crois, les plus essentiels, c'est justement de pouvoir avoir ces intuitions-là et des intuitions vérifiées sans angoisse. C'est-à-dire que la dimension complètement paranoïde dans laquelle on évolue, dans le kleinisme et le bionisme, effectivement, dans lequel on est dans des espèces de projectivité de ce genre, lui est soustraite un de ses traits particuliers, c'est le caractère persécutif. Ça, c'est une paranoïa dirigée sur l'analyste, sauf que l'analyste, on enlève quelque chose à la paranoïa d'essentiel, c'est la persécution. Mais c'est bien cette tonalité-là dont il s'agit et que le critère qui permet dans le kleinisme à quelqu'un de dire qu'il devient analyste, c'est lorsqu'il est capable de diriger une cure de la position où tout ce qui est dit le désigne, c'est-à-dire une position de signification personnelle au sens de la paranoïa, sauf que ça ne le persécute pas. Au sens où quand il est persécuté, alors il peut savoir qu'il y a une question contre-transférentielle. C'est ça un des critères, je crois, essentiels. Il faut quand même que je... parce que là j'en ai quand même pour longtemps encore, je pensais que j'avais rien à dire. Alors, tout ça c'est sans intérêt. Alors, je vais quand même vous parler d'une chose. C'est trop bien, je vais faire ça pour l'année prochaine. Je vais conclure. Puis je vous parlerai l'année prochaine des actes de langage indirect. Ali. Revenons sur la turbulence émotionnelle. Prenons ça comme ça, comme en tout cas, moi j'ai pu percevoir la chose, le côté prendre à rebrousse-poil des façons d'être analysé, plus ou moins d'ailleurs, j'imagine, ça ne doit pas être identique chez chacun d'entre nous. Avant que nous acceptions, au fond, de jouer à ce jeu sérieux d'une narration, de constituer ce qui s'est passé avec des personnages, de faire apparaître, de façonner avec nos propres projections, nos idéaux, notre imaginaire, les traces de tel ou tel refoulement, de façonner les différents personnages, la rêveuse rêvée, l'analyste rêvé dans le rêve de la rêveuse rêvée, enfin on se croirait dans un conte chinois avec des espèces d'emboîtements les uns dans les autres, c'est-à-dire avec tous ces emboîtements la construction d'un contenant, hein, d'un contenant et d'un contenu dans lequel au fond les deux symboles, là masculin, féminin chez Bion, sont complètement déployés dans leur fonction. Dans tous les niveaux de notre appareillage psychique et de notre capacité d'accueil et de pensée de ce que c'est que la patiente dont Sébastien a rêvé. Ce qui était mis en suspension dans cet état émotionnel, c'était quelque chose que je propose de qualifier avec Bion de proto-émotion, puisque ce sont des choses qui ne sont possibles qu'en groupe. Il n'y a que dans un groupe que, même si c'est un groupe à deux, que peuvent circuler des espèces d'entités étranges, de choses qui ne sont pas exactement des éléments bêta, mais qui sont en tout cas des manières de s'entraffecter mutuellement, qui sont liées au fait qu'on appelle le groupe à fonctionner comme un groupe de travail, sauf que le travail qu'on lui demande va nécessairement mettre chacun de ceux qui le composent dans une tension très très particulière. Et ce qui a provoqué cette tension particulière, c'est la proposition d'un transfert de transfert. Le transfert de transfert, ça détruit les bords de nos personnes individuelles. Si nous commençons à imaginer le rêve de la personne dont parlait Sébastien, alors nous ne pouvons pas faire autrement que de faire comme si nous rêvions ce qu'elle rêve avec ce que nous imaginons qu'elle est. Et cela, ça produit immédiatement un effacement des limites, un effacement inquiétant qui nous oblige à nous dire « Non, non, nous sommes chacun des individus, chacun, on écoute quelqu'un qui parle, etc. » parce que ce qui est mis au travail par une expérience de ce genre-là est affolant, et intrinsèquement affolant. Et c'est intrinsèquement affolant parce que, aussi bien à plusieurs que chacun à l'intérieur de nous-mêmes, nous mettons en abîme des rêves de rêves de rêves. C'est une chose qui est beaucoup plus fascinante que celle du fameux papillon de Chang, là, je crois, c'est dans Borges, je crois, qu'il y a cette histoire du mandarin qui s'endort en rêvant, qui rêve un papillon, mais que le papillon s'endort, qui rêve un mandarin, etc. Puis on multiplie les choses d'une certaine manière, puis quand le mandarin se réveille, il ne sait plus s'il est ou non le mandarin, ou le rêve du papillon, pensant qu'il est le mandarin. Donc on produit très facilement comme ça, hein, des effets d'indétermination, sauf que là, je crois que nous nous sommes défendus contre l'occurrence de cette structure qui met en péril les limites même de nos propres corps et de nos appareils psychiques. Comme rêver le rêve rêvé d'un autre. Cet effacement de certaines limites conventionnelles entre le corps et l'esprit, c'est la raison pour laquelle je vous avais parlé des rêves, de certains rêves des Indiens d'Amazonie. C'est-à-dire que que l'expérience auquel nous avons ici affaire est une expérience de la transcendance dans le rêve. C'est vraiment que le rêve donne réellement accès à l'autre, qui est ce contre quoi s'est bâtie toute notre conception de l'individu. Je veux dire que ce quand je vous parlais des gays et des Guaranis d'Amazonie, c'est l'idée que le rêve est quelque chose qui donne accès à l'autre est un des grands choix fondamentaux anthropologiques de l'humanité. C'est comme un autre sur lequel j'avais insisté en son temps, qui est la question de savoir si le mal vient de moi ou vient du dehors. D'où vient le mal? Est-ce que le mal, c'est parce qu'on me veut dire, il y a de la persécution, il y a des méchants qui me veulent du mal, ou est-ce que le mal, c'est parce que dans le plus secret de moi-même, lié à quelque chose comme un péché originel, je suis la cause du mal? Et on peut difficilement rendre compatibles ces choix. Mais ce sont des grands partages anthropologiques que la psychanalyse, quelquefois, nous oblige, et probablement d'ailleurs, les deux ont-ils un rapport, nous oblige à remettre en cause. Notamment, je pense, tout ce qui est kleinien, bionien, ça rebat les cartes en nous faisant nous vivre des états psychiques que nous vivons avec un très grand malaise parce que nous ne sommes pas socialisés pour supporter de pareils états psychiques qui sont au contraire normatifs dans d'autres cultures. Eh bien, c'est ce qui me conduit à ce qui m'avait particulièrement fasciné dans la proposition d'Isabelle Robert. C'est un des mots que Bion emploie, un mot, je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu cité dans un commentaire, c'est qu'au lieu de parler du psychosomatique, de l'unité psychosomatique, Bion parle de temps en temps du somatopsychotique. Ce qu'il appelle le somatopsychotique, c'est l'idée que le partage entre le corps et l'esprit, ce qui fait d'un individu un individu, d'une vie mentale une vie mentale, est toujours quelque chose qui est fondamentalement ouvert et préalable à l'analyse. C'est-à-dire que c'est ouvert et une analyse va ensuite, sur le somatopsychotique, découvrir quelque chose. L'interprétation du « là où ça était, je dois advenir », elle va jusqu'au point, me semble-t-il, chez Bion, de redécouper le corps, ce que sont ses limites, ses points d'entrée et de sortie, la vie pulsionnelle, ses objets, le rapport à autrui, à quel groupe, combien on est quand on est un, combien on est quand on est un individu. Combien il en faut à l'intérieur du groupe, etc. Toutes ces questions sont fondamentalement ouvertes. Elles ont trait au corps et elles ont trait à quelque chose qui est, pour Bion, radicalement préalable à l'existence du langage. D'où l'importance de penser au bébé. C'est la question du bébé. de savoir, ça c'est pour moi quelque chose, moi c'est le comble du délire, c'est les gens qui s'occupent des bébés. Quand on lit dans les textes de l'IPA, les gens qui développent des interprétations hallucinantes de 4 pages sur ce que pense le bébé, ça parce que le bébé il a fait je ne sais quel clignement d'œil, etc. Ça me paraît moi le comble de l'irrationalité, etc. Et pourtant, enfin vraiment quelque chose dans lequel vous avez la projection interprétative à l'état pur, le sophisme psychologique radical, n'est-ce pas ? On ne s'empêche pas de penser. Et pourtant, s'il y a quelque chose de cohérent là-dedans, ça doit pouvoir être mis au jour. Et nous savons en même temps très bien, enfin moi je ne me suis jamais occupé de bébés, mais que la plupart des analystes qui s'occupent de bébés ne peuvent pas vous rapportent constamment des phénomènes cliniques dans lesquels le sommeil, la nourriture, le rapport à la douleur, la capacité à regarder, par exemple chez les petits enfants qui sont aux limites de l'autisme, etc., la capacité à saisir des objets de manière hyper précoce est incroyablement dépendant de l'activité mentale de la mère et du thérapeute, par exemple, dans ce genre d'interaction. Choses qui sont effectivement profondément mystérieuses, dans la mesure où on se situe hypothétiquement dans un endroit où le bébé est peut-être pris dans le langage, hein, il baigne dans le langage, mais enfin il baigne dans le langage comme il baigne dans l'atmosphère, quoi. On n'est pas forcément obligé de penser que c'est structurant. Eh bien c'est ça qui l'intéresse. Et donc, lorsque nous avons affaire à des gens chez qui le rapport entre l'esprit et le corps n'est pas écrit d'avance, c'est-à-dire que la limite, des gens qui ne vont pas dire, qui disent pas « je », des gens qui ont des handicaps psychomoteurs absolument majeurs, c'est-à-dire des gens dont on peut soupçonner que même ce que signifie une action, hein, lorsque vous avez une incoordination motrice ou des défauts de construction de votre corps, etc., tandis qu'on parle et qu'on parle le langage d'action tout autour de vous, il n'y a pas que les bébés. Il y a aussi toute la question de savoir comment on entre émotionnellement en relation à un niveau, on peut dire archaïque, parce que c'est, voilà, ça coûte que la salive de dire archaïque. Mais enfin bon, il faudrait réussir à le déterminer de manière plus précise. C'est une des perspectives que Bion ouvre. Bon. J'ai parlé des bébés parce que Sébastien s'est énormément intéressé à Esther Bic, mais il me semble qu'on pourrait trouver chez Esther Bic, et puis si on trouvait un moyen de parler, par exemple aux autistes adultes, hein, les autistes adultes, les gens qui n'ont jamais parlé, là, hein, qu'on voit, qui sont des spectacles profondément angoissants, hein, quand on est dans les hôpitaux qui accueillent cette population, des grandes psychoses infantiles, comme on disait autrefois, des autistes adultes, des gens qui ont 40 ans, qui n'ont jamais parlé, simplement, dont le fonctionnement corporel est si absolument stupéfiant, et dont on n'arrive même pas à fixer le diagnostic, puisqu'il n'y a plus de diagnostic à ce moment-là. La question de savoir si Bion nous offre ou pas des instruments pour donner une chance à d'autres partages de l'esprit, du corps, du combien on est quand on est dans son corps, avec combien de personnes on peut vivre, etc., ça me paraît des perspectives tout à fait fascinantes.